Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce rendez-vous du journal à langue française, dont voici d'abord les grands titres. À Makamba, la population riveraine du lac Tanganyika sur la sous-colline Mugere de la colline Nyabigina, commune Nyanzalake, dit vivre la peur au ventre suite à un agresseur hippopotame qui a dévoré une personne et une autre est blessée pendant seulement ce mois de janvier. Au niveau de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Makamba, l'on demande à la population de ne pas l'agresser en y approchant. Notre correspondant à Makamba va nous faire le point dans ce journal. Et l'administration communale de Rumonge estime que les directeurs d'école n'ayant pas payé la totalité des frais de vacatariat et de bénévolat vont être identifiés afin d'éclaircir la traçabilité des fonds payés par les parents d'élèves à cet effet avant que la commune Rumonge ne s'en charge, vous l'entendrez. Et parmi les défis auxquels fait face l'ordre des avocats de Bujumbura dans l'exercice de leur métier, figure la loi régissant la profession d'avocat qui n'est pas à jour et le faible niveau de connaissance chez certains membres de ce corps. Au cours de ce journal, Maître Didier Patrick Noukouli, batelier de cet ordre, va vous dira également de l'étape déjà franchie après 75 ans au service. Voilà pour le sommaire. Les détails essaient dans quelques instants. La manette du son de l'autre côté de la vitrine est bien assurée par Eric Kouimana. À la présentation, vous êtes avec Jérôme Hakizimana. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons ce journal par cette page justice, la loi régissant la profession d'avocat qui n'est pas à jour, le faible niveau de connaissance chez certains membres de ce corps sont parmi les défis majeurs qui hantent l'ordre des avocats de Bujumbura dans l'exercice de leur métier. Propos de Maître Didier Patrick Noukouli, bâtonnier de l'ordre de Bujumbura dans une conférence de presse animée ce lundi à l'occasion du 75e anniversaire de cet ordre. Il salue toutefois le pas déjà franchi et signale notamment que cet ordre enregistre aujourd'hui 700 avocats, dont 250 femmes. Suivez-le au micro de Jean-Claude Niyomokidz. Nous faisons face à des défis que les périodes antérieures n'ont pas connus. Je vous ai parlé principalement des défis liés à la mondialisation et aux avancées technologiques de ces dernières années. Aujourd'hui, le barreau de Bujumbura travaille pour doter ses membres des outils nécessaires pour pouvoir être compétitifs, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. L'avocat d'aujourd'hui n'est plus en compétition avec un cercle réduit de professionnels. L'avocat du Burundi, tout comme l'avocat de n'importe où ailleurs dans le monde, est en compétition avec tous les professionnels du monde entier. Les normes de pratique de notre profession juridique, de notre profession libérale, ne sont pas fixées au niveau local. Les normes sont fixées au niveau international. C'est pourquoi nos professionnels, nos avocats, nos membres, doivent constamment mettre à niveau leurs connaissances, je dirais, leurs capacités. Il y a un écrivain australien du nom de Charles Darwin, qui disait que face au changement, les individus ont trois options, soit s'adapter au changement, soit disparaître, soit évoluer à la périphérie. Mais les deux dernières options, c'est-à-dire raser les murs ou disparaître immédiatement, reviennent au même. L'un signifie que vous disparaissez sur le champ, l'autre signifie que vous disparaissez dans le plus ou moins court terme. Parlons transport dans la suite de ce journal. Le carburant de type mazout et essence demeure jusqu'ici rare à mairie de Bujumbura sur cette station-service visitée par notre reporter. Seules deux stations-service donnaient l'espoir de distribuer ce carburant ce soir. Des véhicules y faisaient la queue, tandis que sur les autres, il n'y avait aucune voiture. Tous demandent aux responsables de tout faire pour que cette situation change. Le point avec Sheila Irambona. Yeah. Arrivé à la station-service Ericoid, se trouvant en face de la voie Audi, ce qui s'est remarqué, c'est que les voitures qui y étaient garées étaient celles dont les propriétaires avaient élu cet endroit comme parking. Les pompes, que ce soit celles de mazout ou celles de l'essence, étaient fermées. Le personnel de cette station a affirmé qu'ils viennent de passer plus d'un mois sans avoir du mazout. Ils ajoutent qu'ils viennent de passer un moment sans être fournis en carburant de type essence. Idem pour la station-service Mogas. Ceux qui font les petits boulots affirment qu'ils ont été fournis en mazout samedi dernier et que la Sopebu les a fournis en carburant de type essence vers la fin de l'année écoulée. L'autre place visitée est la station Musumba. Ceux qui y travaillent révèlent qu'ils ne se rappellent même pas quand ils ont été fournis en essence, de même que la station Feruktsum se trouvant dans ce quartier. À la station IPE Liberté, 10 stations Katikati, des voitures étaient déjà sur la queue. Attendant d'être servi, le gérant nous a affirmé qu'ils avaient espoir d'être servis ce soir en carburant de type mazout. Mais il a révélé que depuis quelque temps, ils enregistrent un manque à gagner parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de l'essence. Ce qui est dit également par certaines personnes à la station Tropicana VIP. Là également, étaient garées beaucoup de voitures en attente d'être servies en mazout. Tous ces gens se sont demandé où est passé l'essence. Ils ont demander aux responsables de tout faire pour que cette situation change. Sheila Irambona, poursuivons ce journal par cette page sécurité. Une personne est déjà morte dévorée et l'autre est blessée par un hippopotame au cours de ce mois courant sur la sous-colline Mugere de la colline Nyabigina, commune Nyanzarake, dans la province de Makamba. La population riveraine dit vivre la peur au ventre et demande aux institutions habilitées de trouver solution pour protéger les vies humaines. Au niveau de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Makamba, l'on fait savoir que cette hippopotame aurait mis bas dans cet endroit et demande à la population de ne pas l'agresser en y approchant de Makamba et l'Izekwizer. Les deux personnes qui ont été attaquées par un hippopotame au cours de ce mois courant sur la sous-colline Mugere, colline Nyabigina, en commune Nyanzalake de la province Makamba, ont l'âge compris entre 24 et 26 ans. La première est décédée en date du 7 janvier, autour de 20h, au moment où il allait pêcher dans le lac Tanganyika. Et l'autre a été blessée au niveau de la cuisse entre 20h et 21h de ce dimanche de la semaine passée, en provenance de la Tanzanie, quand il rentrait à la maison sur la colline Kabondo de la même commune et a été acheminé au centre de santé de Nyabigina. Les habitants proches de cet endroit annoncent qu'ils circulent souvent à partir de 19h. Ndaishimie Benoît, un des conseillers collinaires à Nyabigina, ajoute qu'il s'est même manifesté en train de circuler dans les ménages pendant la journée, entre 13h et 14h. Les habitants de cette localité disent avoir la peur et demandent aux institutions habilitées de voir comment trouver solution à ce problème pour protéger des vies humaines. Au niveau de l'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE à Makamba, on annonce que cet hippopotame aurait ses petits dans cet endroit et qu'en cette période, il se met souvent en colère pour les défendre. D'où on recommande à ses habitants de ne pas approcher son territoire. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à toi, Élisée Kwizera. De Makamba, rendons-nous dans la province de Bururi, où un homme accusé d'avoir volé plus de 10 régimes de bananes dans un champ sur la colline Nyabziamo, en commune et province Bururi, a été sérieusement battu la semaine écoulée par les propriétaires de ce champ. La famille de la victime demande à la justice de faire son travail pour que les auteurs soient punis. Les membres de sa famille se disent très préoccupés par son état critique là où il est alité au centre de santé de Nyabziamo et demande que les présumés auteurs supportent toutes les factures liées au centre de santé. Au niveau de la police, l'on indique que les enquêtes sur ce cas sont déjà en cours. Félix Niyongabo, l'administrateur de la commune Bururi, appelle la population à ne plus se faire justice. Zeno Nzambimana, correspondance. Cet homme âgé de 35 ans, originaire de la colline Nyabziamo, en commune province de Bururi, est à l'état critique au centre de santé de Nyabziamo où il est alité depuis mercredi de la semaine écoulée. Il présente beaucoup de blessures et de douleurs sur son corps. Les sources sur place indiquent qu'il a été battu à mort à l'aide des gourdes mercredi dernier par les propriétaires d'une bananeraie dans la localité de Mitanga sur la même colline quand il venait de voler plus de 10 régimes de bananes dans leur champ. La famille de la victime déplore le comportement de ces gens qui ont tenté de se faire justice au lieu de le traduire devant la justice et demande à la justice de faire son travail pour que les auteurs de cette torture soient punis conformément à la loi. Les membres de sa famille demandent également que la victime, qui est aujourd'hui à l'état critique, soit transférée à l'hôpital et que les présumés auteurs supportent toutes les factures liées aux soins médicaux. Certains des habitants de Nyaviamo avec qui nous sommes entretenus confirment que ce n'est pas la première fois que cet homme est attrapé en train de voler dans les champs. Ils disent qu'il a été emprisonné à maintes reprises, mais relâché après quelques temps. Ces habitants de Nyaviamo déplorent également qu'il n'y a plus de sanctions sévères contre les voleurs attrapés dans les champs, raison pour laquelle certains de la population tentent aujourd'hui de se faire justice. Au niveau de la police à Bruli, on indique que les enquêtes sont déjà en cours sur ce cas. L'administrateur de la commune de Bruli fait savoir que selon les informations qu'il a reçues, la victime sera transférée à l'hôpital régional de Bruli pour continuer à subir les soins médicaux. Félix Nyongabo appelle la population à ne plus se faire justice, mais plutôt à conduire toujours les présumés auteurs de vol devant la police judiciaire. Depuis Bruli, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal sur la radio Isanganiro continue. Je vous rappelle que vous pouvez nous capter sur Internet en écrivant www.isanganiro.org, tout comme vous pouvez consulter nos publications sur notre page Facebook en écrivant Radio-Télévision Isanganiro RTI avec plein de droits aux commentaires, aux likes et aux partages. N'oubliez surtout pas de suivre votre radio préférée. Politique à présent, la plateforme intégrale de la société civile du Burundi, puisque Burundi en sigle, estime que le dialogue devrait être privilégié pour la conduite du processus électoral en cours. Le président de cette plateforme, qui le dit, part de la gestion de la phase en rapport avec la présentation des candidatures pour les élections en vue. Jean-Marie Nduwimana trouve en outre que l'essentiel est de respecter le cadre légal régissant les élections au Burundi. Suivez. Pour ce trapiste, nous affirmons que l'état d'avancement du processus électoral de 2025 démontre noir sur blanc que la compétition dans ce processus électoral n'est pas douteuse et contestée par personne. Et bien sûr, compte tenu de la réunion qui a été organisée en date du 17 janvier 2025 par la CENI avec ses partenaires électoraux sur l'état d'avancement du processus électoral de 2025 et les prochaines étapes, la piste Burundi a constaté que les contributions qui ont été présentées par certains partis politiques rentraient toujours dans ce positif de corriger en les erreurs qui ont été observées et de préparer ensemble les prochaines étapes pour que quand même les élections de 2025 soient des élections libres, et transparentes et crédibles pour tous. Nous recommandons bien sûr la CENI de privilégier toujours le dialogue qui est un instrument inévitable, aussi de se limiter et bien sûr au code électoral et à la constitution burundaise pour éviter que le Burundi pourra tomber dans le vide institutionnel. Aussi nous recommandons cette idée de parti politique bien sûr de conjuguer toujours les efforts ensemble avec la CENI et avec d'autres partenaires pour qu'il y ait une participation positive dans ce processus électoral. En fait, que les élections de 2025 soient des élections crédibles par tous. Poursuivons ce journal par cette page commerce où les consommateurs des boissons produites par la Brarudi en ville de Kayanza disent se réjouir du fait que ces produits sont actuellement vendus à des prix officiels. C'est après la décision prise par les autorités provinciales de suspendre temporairement certaines licences d'exploitation pour certains détenteurs des cabarets ces derniers jours. Godefroy Niyonizigiye, administrateur communal de Kayanza, appelle les consommateurs des produits de la Brarudi à pointer du doigt à tous les commerçants spéculateurs afin qu'ils soient punis conformément à la loi. Patrick Sengeyomf. Certains des consommateurs des boissons produites par la Brarudi en ville de Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont témoigné que ces jours-ci les prix officiels de ces produits sont respectés. Ils indiquaient que quand les vendeurs des boissons sont approvisionnés en ces produits, ils les distribuent aux consommateurs sans les cacher pour spéculer comme c'était le cas les derniers jours. Les consommateurs des boissons de la Brarudi à Kayanza remercient vivement les autorités provinciales en cette province de pouvoir suspendre certaines licences d'exploitation qui permettaient à certains commerçants de spéculer. mutilés. Pour ça, ils demandent aux administratives de suivre de près que les prises officielles des boissons de la Braoudi sont toujours respectées. L'administrateur communal Kayanza appelle les consommateurs des boissons produites par la Braoudi à toujours dénoncer les commerçants spéculateurs qui ne respectaient pas les prises officielles afin qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Godefroy Nionizi Guillemet en garde les commerçants spéculateurs que des sanctions sévères sont réservées à leur endroit s'ils ne cherchaient pas à couper court à cette mauvaise pratique. Depuis Kayanza, Patrick Nsengui va pour la Radio Isanganiro. Merci Patrick. Du nord du pays au sud, pour parler éducation, les directeurs d'école n'ayant pas payé la totalité des frais de vacataria et de bénévolat avant que la commune Rumongeno s'en charge, vont être identifiés afin d'éclaircir la traçabilité des fonds payés par les parents d'élèves à cette fin. Cette déclaration est d'Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, lors d'une réunion organisée à l'intention des partenaires de l'éducation en zone Kigwena ce dimanche. C'est après le constat que certains directeurs d'école sont contre la mesure de la commune de s'en charger, Jean-Pierre Misago. La commune Rumongue se dit prête à mobiliser tous les moyens financiers et humains nécessaires afin d'identifier et punir tous les directeurs d'école qui auraient trompé dans le détournement des frais de vacataria de bénévolat avant que la commune Rumongue ne s'en charge, selon Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue. Pour cet administrateur, la demande persistante de certains directeurs d'avoir encore une main mise sur la collecte et le paiement des frais de vacataria et de bénévolat n'est pas de nature à alléger la souffrance des parents, mais plutôt la reconquête de ce raccourci pour en grignoter une partie. En effet, selon Augustin Minani, c'est inconcevable que certains directeurs qui exigeaient entre 8 000 et 15 000 francs burundais par trimestre aux parents d'élèves pour payer les frais de vacataria et de bénévolat sans pour autant régler la facture dans certains cas fassent maintenant semblant de compatir avec les parents d'élèves pour lesquels cette contribution a été réduite jusqu'à 1500 francs burundais par trimestre à partir de ce deuxième trimestre en cours d'un côté et des bénévoles de l'autre côté pour lesquels 2 sur 3 mois prestés ont été déjà payés. Augustin Minani appelle plutôt ses directeurs à s'atteler au redressement de ce secteur en difficulté dans cette commune car, poursuit-il, dans les différents séminaires organisés en commune Rumongue sur l'éducation, en présence des invités des provinces enregistrant les taux élevés de réussite, il a été prouvé que quand un directeur s'acquitte convenablement de sa tâche, la réussite suit. Cette mesure a été annoncée publiquement ce dimanche après que certains directeurs d'école eurent exprimé leur désir de revenir à l'ancien système de collecte de paiement des frais de vacataria de bénévolat, alors que la commune de Rumongue était déjà informée que certains directeurs ont plus d'une année d'impayé de ces frais, selon l'administrateur communal de Rumongue. Jean-Pierre Misago depuis Rumongue, Radio Isanganiro. Merci à toi aussi, Jean-Pierre Misago. Dernier dossier de ce journal, la population d'Ngozi est appelée à récolter leur champ de pommes de terre 2 à 3 semaines après le défanage pour qu'elles soient longtemps conservées. Conseiller du directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture en cette période de récolte de cette denrée alimentaire. Cette autorité conseille également la population de ne pas acheminer toute la production au marché, arguant que cette denrée n'est pas conservable. Il salue tout de même la chute du prix de la pomme de terre jusqu'à 1500 francs boule au kilo, signe, selon lui, de la bonne production. Apollinaire Mouzagara. Le prix d'un kilo de pommes de terre a sensiblement monté au marché central d'Ngozi il y a 2 mois, jusqu'à 2500 francs, voire 2800 francs actuellement. Son prix a chuté. Un kilo de pommes de terre s'achète dans son même marché à 1500 francs ou 1700 francs, selon le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture. Cette chute du prix s'explique d'abord par le fait que c'est la période de récolte, mais aussi par la bonne production, suite aux précipitations qui n'ont pas été fortes, donc bonnes pour cette culture. Ingénieur Emile Kubwimana conseille donc à la population de ne plus acheminer toute la récolte au marché, sous prétexte que cette denrée n'est pas conservable. La population est appelée à faire le défanage de leurs champs de pommes de terre terre et à récolter 2 à 3 semaines après cette coupe de tiges et de feuilles. Comme ça, explique-t-il, on récolte de la pomme de terre mûre, capable d'être conservée même jusqu'à l'autre saison culturelle, à condition, selon toujours lui, que cette pomme de terre soit conservée dans une maison où elle est épargnée de la pluie. Le directeur provincial de l'IBPA Ngozi parle même d'une bonne production du haricot cultivé durant cette saison culturelle, même si le prix est resté constant. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Muzagara, ainsi ce boucle ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. De l'autre côté de la vitrine, j'étais avec Eric Ouimana, à qui d'ailleurs je dis merci pour sa parfaite collaboration technique. Jérôme Akizimana, j'étais à sa présentation. Très bonne suite de programme sur la radio Isanganiro. Au revoir.